Éditions de l'avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611-1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur près de l'archevêché, 1858. Relations de 1611. Chapitre 4. Du naturel des sauvages, de leurs habits, habitations et vivres. Le naturel de nos sauvages est de soi libéral et point malicieux. Ils ont l'esprit assez gaillard et net quant à l'estime et ingément des choses sensibles et communes, et déduisent fort gentiment leurs raisons, les assaisonnant toujours avec quelques jolies similitudes. Ils ont fort bonne mémoire des choses corporelles, comme de vous avoir vu, des qualités d'une place où ils auront été, de ce qui aura été fait devant eux depuis 20 et 30 ans. Mais d'apprendre par cœur, là est l'écueil. Il n'y a pas moyen de leur mettre dans la tête une tirade de paroles. Ils n'ont point de barbe, autant peu les hommes que les femmes, hormis quelques-uns plus robustes et virils. Souvent, ils m'ont dit que nous leur semblions du commencement fort laids, avec nos cheveux aussi bien sur la bouche que sur la tête. Mais peu à peu, ils s'accoutument, et nous commençons à ne plus leur paraître si difformes. Vous ne sauriez reconnaître les jeunes garçons d'avec les jeunes filles, sinon à la façon de se ceindre. Parce que les femmes se ceignent dessus et dessous le ventre et sont plus couvertes que les hommes. Elles sont aussi d'ordinaire plus parées de matachias, c'est-à-dire de chaînes, affiquets et semblables à parure à leur mode, à ce que vous sachiez que partout, telle est la nature du sexe amoureux d'embellissement. Universellement parlant, ils sont de taille moindre que nous, principalement quant à l'épaisseur, belles toutefois et bien prises, comme si nous demeurions à l'état que nous avons à 25 ans. Vous ne rencontreriez pas entre eux un ventru, un bossu, ni un contrefait. Ladres, goutteux, pierreux, insensés, ils ne savent ce que c'est. Ceux d'entre nous qui sont tarés, comme Borgne, Louche, Camus, etc., sont aussitôt remarqués par eux et moqués largement, spécialement par derrière, et quand ils sont entre eux. Car ils sont bons compagnons et ont le mot et sobriquet à commandement, fort aise quand ils peuvent avoir occasion de nous mépriser. Et certes, c'est, à ce que je vois, une contagion dont personne n'est exempté que par la miséricorde de Dieu, que de se trop estimer soi-même. Vous verriez ces pauvres barbares nonobstant leur si grand manque de police, de puissance, de lettres, d'art et de richesse, néanmoins tenir si grand compte d'eux qu'ils nous en déprisent, se magnifiant par-dessus nous. Leurs habits sont chamarrés de peau que les femmes passent et corroient du côté qui n'est pas velu. Elles corroient souvent les peaux d'élan de tous les côtés, comme notre buffetin, puis les barrioles de peinture en forme de passement fort joliment et en font des robes. De ces mêmes peaux, elles leur font des souliers et des grèves. Les mâles ne portent pas de hautes choses parce que, disent-ils, cela les entrave trop et les met comme au cep. Ils portent seulement un linge au-devant de leur nature. L'été, ils usent fort de nos capots, et l'hiver, de nos couvertes de lit, desquelles ils s'accommodent en chamard, les redoublant. Ils s'aident aussi fort volontiers de nos chapeaux, souliers, bonnets de laine, chemises et du linge pour nettoyer leurs enfants au maillot, car on leur troque toutes ces denrées contre leur peau. Quelque part qu'ils soient arrivés, la première chose, c'est de faire du feu et se cabaner. Ce qu'ils ont fait dans une heure ou deux, souvent en demi-heure. Les femmes vont au bois et en apportent des perches, lesquelles on dispose par en bas, alentour du feu et en rond, et par en haut, on les enfourche entre elles pyramidalement, de manière qu'elles se reposent l'une contre l'autre, droit au-dessus du feu, car là est la cheminée. Sur les perches, on jette des peaux ou bien des nattes ou des écorces. Au pied des perches, dessous les peaux, se mettent les sacs. Toute la place alentour du feu est jonchée de feuilles de pin afin de ne sentir l'humidité de la terre. Dessus les feuilles de sapin se jettent souvent des nattes ou des peaux de loup marin, aussi délicates que le velours. Là-dessus, ils s'étendent autour du feu, ayant la tête sur les sacs. Et ce qu'on ne croirait pas, ils sont très bien là-dedans, à petit feu, voire aux plus grandes rigueurs de l'hiver. Ils ne se cabanent qu'auprès de quelques bonneaux et en lieu de plaisant aspect. En été, leur logis change de figure, car ils les font larges et longs afin d'avoir plus d'air. Aussi, les couvrent-ils alors d'écorces ou de nattes faites de roseaux tendres qui sont beaucoup plus minces et délicates que les nôtres de paille, si artistement tissées que lorsqu'elles pendent, l'eau coule dessus tout au long sans les percer. Leur vivre est ce que la chasse et la pêche leur donnent, car ils ne labourent point. Mais la providence paternelle de notre bon Dieu, laquelle n'abandonne pas les passereaux mêmes, n'a pas laissé ces pauvres créatures capables de lui sans provision convenable qui leur est, comme par étapes, assignée à chaque lune, car ils comptent par lune et en mettent 13 en l'an. Par exemple, donc, en janvier, ils ont la chasse au loup marin, car cet animal, quoiqu'il soit aquatique, frais néanmoins sur certaines îles environ ce temps. La chair en est aussi bonne que du veau, et, de plus, ils font de sa graisse une huile qui leur sert de sauce toute l'année. Ils en remplissent plusieurs vessies d'orignal, qui sont deux ou trois fois plus grandes et fortes que les nôtres de porc, et voilà leur tonneau de réserve. Au mois de février, et jusqu'à la mi-mai, est la grande chasse des castors, loutres, orignal, ours, qui sont fort bons, et des caribous, animal moitié âne, moitié cerf. Si le temps leur dit, ils vivent alors en grande abondance et sont aussi fiers que princes et rois. Mais s'il leur est contraire, c'est grande pitié d'eux et souvent ils meurent de faim. Le temps leur est contraire quand il pleut beaucoup et ne gèle pas, parce qu'alors ils ne peuvent chasser ni aux élans ni aux castors. De même, quand il neige beaucoup et ne gèle pas là-dessus, car ils ne peuvent pas mener leurs chiens à la chasse parce qu'ils enfoncent dedans, ce qu'ils ne font pas eux, parce qu'ils s'attachent des raquettes aux pieds, à l'aide desquelles ils demeurent dessus. Aussi, ne peuvent-ils tant courir qu'il faudrait, la neige étant trop molle. Il leur arrive tels autres accidents malheureux qu'il serait trop long de raconter. Sur la mi-mars, le poisson commence à frayer et à monter de la mer en haut contre certains ruisseaux, souvent en si grande abondance que tout en fourmille. À peine le croirait qui ne l'aurait vu. On ne saurait mettre la main dans l'eau qu'on ne rencontre une proie. Entre ces poissons, l'éplan, les perlans, est le premier. Cet éplan est deux ou trois fois plus grand que l'est le nôtre de rivière. Après l'éplan, suit le hareng à la fin d'avril. Et au même temps, les outardes arrivent du midi, qui sont grosses cannes au double des nôtres et font volontiers leur nid aux îles. Deux œufs d'outarde en valent aisément 5 de poule. À la même époque, vient l'esturgeon, le saumon, la grande quête des œufs sur les îlettes, car les oiseaux pêcheurs, qui sont là en grand nombre, pondent alors et couvrent ces îlettes de leur nid. Dès le mois de mai jusqu'à la mi-septembre, ils sont hors de crainte pour leur vivre, car les moules sont à la côte et avec toutes sortes de poissons et de coquillages, et les navires français avec lesquels ils troquent. Et savez-vous s'ils entendent bien se faire courtiser, ils traitent de frères avec le roi, et ne leur faut rien rabattre de toute la pièce. Il faut leur faire des présents et les bien haranguer, autant qu'ils accordent la traite, et celle-ci faite, il faut encore les tabagier, c'est-à-dire les banqueter. Alors ils danseront, harangueront et chanteront, à desquides, à savoir, qui sont les bons amis, alliés, associés, confédérés et compères du roi et des Français. Le gibier d'eau y abonde, mais non celui de terre, sinon, à certains temps, les oiseaux passagers comme outardes et oies grises et blanches. On y trouve des perdrix grises qui ont une fort belle queue et sont deux fois plus grosses que les nôtres. On y voit force tourtres qui viennent manger les framboises au mois de juillet, plusieurs oiseaux de proie et quelques lapins et levrault. Or, nos sauvages, sur la mi-septembre, se retirent de la mer, hors la portée du flux, aux petites rivières où les anguilles fraient et en font provision. Elles sont bonnes et grasses. En octobre et novembre est la seconde chasse des castors et des élans. Et puis en décembre, admirable providence de Dieu, vient un poisson appelé de ponamo qui fraie sous la glace. Item, lors les tortues font leurs petits, etc. Tels donc, mais en plus grand nombre, sont les revenus et censives de nos sauvages. Tels leurs tables et entretiens. Le tout coté et assigné chaque chose en son endroit et quartier. Jamais Salomon n'eut son hôtel mieux ordonné et policé en vivandier que le sont ses pensions et les voituriers d'Issel. Aussi, un plus grand que Salomon les a constitués. À lui soit gloire de toute éternité. Pour bien jouir de leur apanage, nos sylvicoles s'en vont sur les lieux d'Issel-lui avec le plaisir de pérégrination et de promenade, à quoi facilement faire, ils ont l'engin et la grande commodité des canaux, qui sont petits, et esquif fait d'écorce de bouleau, étroits et resserrés par les deux bouts, comme la crête d'un morion. Le corps est en façon de berceau large et ventru. Ils sont longs de 8 ou 10 pieds, et restent si capables que dans un seul logera tout un ménage de 5 ou 6 personnes, avec tous leurs chiens, sacs, pots, chaudrons et autres bagages bien pesants. Et le bon est qu'ils prennent terre où leur plaît, ce que nous ne pouvons faire avec nos chaloupes ou bateaux mariniers. Parce que le canot le plus chargé ne saurait cueillir 5 pieds d'eau, et déchargé, il est léger, que vous le supposeriez facilement et transporteriez de la main gauche, si vite à l'aviron qu'à votre belle aise, de bon temps, vous ferez en un jour les 30 ou 40 lieues. Néanmoins, on ne voit guère ces sauvages postillonner ainsi, car leurs journées ne sont tout que beaux passe-temps. Ils n'ont jamais hâte, bien divers de nous, qui ne saurions jamais rien faire sans presse et oppresse, dis-je, parce que notre désir nous tyrannise et bannit la paix de nos actions. Chapitre 5. La police et gouvernement des sauvages. On ne peut avoir plus de police que de communauté, puisque police n'est autre que l'ordre et le régime de la communauté. Or, ces sauvages, n'ayant point grande communauté, ni en nombre de personnes, puisqu'ils sont rares, ni en biens, puisqu'ils sont pauvres, ne vivant qu'au jour et à la journée, ni en lieu et conjonction, puisqu'ils sont épars et vagabonds, ils ne peuvent avoir grande police. Si ne peuvent-ils s'en passer, puisqu'ils sont hommes et associés. Celle donc qu'ils ont est elle. Il y a le sagamo, qui est l'aîné de quelques puissantes familles, qui, par conséquent, aussi en est le chef et le conducteur. Tous les jeunes gens de la famille sont à la table et suite d'Issel-lui. Aussi, est-ce à lui d'entretenir des chiens pour la chasse et des canots pour les voituriers, et des provisions et réserves pour le mauvais temps et voyage. Les jeunes gens le courtisent, chassent et font leur apprentissage sous lui, incapables de ne rien avoir avant qu'être mariés. Car lors seulement, ils peuvent avoir chien et sac, c'est-à-dire avoir du propre et faire pour soi. Toutefois, ils demeurent encore sous l'autorité du sagamo, et le plus souvent en sans compagnie, comme aussi plusieurs autres qui manquent de parents, ou encore qui, de leur propre gré, se rangent sous sa protection et conduite pour être faibles d'eux-mêmes et sans suite. Tout ce donc que les garçons conquièrent appartient au sagamo, mais les mariés ne lui en donnent qu'une partie. Que si ces mariés se départent d'avec lui, comme il le faut souvent pour la commodité de la chasse et du vivre, retournant après, ils paient reconnaissance et hommage en pots et semblables présents. À cette cause, il y a des querelles et des jalousies entre eux, aussi bien qu'entre nous, mais non pas si atroces. Quand quelqu'un, par exemple, commence à s'émanciper et faire le sagamo, quand il ne rend pas le tribut, quand ses gens le quittent ou que d'autres le lui soustraient, et comme entre nous, Aussi entre eux, il y a des reproches et mépris. Celui-là n'est qu'un demi-sagamo, c'est un nouvellement éclos comme un poussin de 3 jours. La crête ne lui fait que de naître, c'est un sagamodin, c'est-à-dire un au berceau de sagamo, un petit nain. Et à cette fin que vous sachiez que l'ambition a son règne encore dessous le chaume et les roseaux, aussi bien que sous les toits dorés, et qu'il ne faut point beaucoup nous tirer l'oreille pour apprendre ses leçons. Ces sagamis se partagent la région et sont quasi distribués par baies ou rivières. Par exemple, la rivière de Pentagouette, un sagamo. Un autre à celle de Sainte-Croix. Un autre à celle de Saint-Jean, etc. Quand ils se visitent, c'est au recevant de bien veiller et faire tabagie à ses hôtes autant de jours qu'il peut. Les hôtes lui font des présents, mais c'est à la charge que le visité réciproque quand se viendra au départ si le visitant est sagamo, autrement non. C'est l'été, principalement, qu'ils font leurs visites et tiennent leurs états. Je veux dire que plusieurs sagamos s'assemblent et consultent par entre eux de la paix et de la guerre, des traités d'amitié et de bien commun. Il n'y a que les 10 sagamos qui aient voix au chapitre et qui haranguent, ne fût-ce quelques vieux et renommés hautes-moins, qui sont comme leurs prêtres, car ils les honorent fort et leur donnent séance, la même qu'aux sagamos. Il arrive quelquefois qu'un même est tout ensemble et hautes-moins et sagamo, et lors, il est grandement redouté. Tel a été le renommé Mumbertou, qui se fit chrétien, ainsi que vous ouirez bientôt. En ces assemblées, donc, s'il y a quelques nouvelles d'importance, comme que leurs voisins leur veulent faire la guerre, ou qu'ils aient tué quelqu'un, ou qu'ils faillent renouveler l'alliance, etc., leurs messagers volent de toutes parts pour faire la plus grande assemblée qu'ils peuvent de tous les confédérés, qu'ils appellent « rimanen », qui sont quasi tous ceux de même langue. Néanmoins, souvent la confédération s'étend plus loin que ne fait la langue, et contre ceux de même langue s'élèvent quelquefois des guerres. En ces assemblées aussi universelles, se résout ou la paix, ou trêve, ou guerre, ou rien du tout, ainsi qu'arrive souvent en délibération, où il y a plusieurs têtes sans ordre et subordination, d'où l'on se départ plus confus souvent et désuni qu'on y était venu. Leurs guerres ne se font quasi que de langue à langue ou de pays à pays, et toujours par surprise et trahison. Ils ont l'arc et le pavois, ou targe. Mais ils ne se mettent jamais en bataille rangée, au moins de ce que j'en ai pu apprendre. Et de vrai, ils sont de leur naturel peureux et couards, quoiqu'ils ne cessent de se vanter et fassent leur possible d'être sensés et avoir le nom de grand cœur, Mesquire Camaramon. Grand cœur, chez eux, c'est toute vertu. Si les offenses ne sont pas de peuple à peuple, mais entre compatriotes et combourgeois, lors ils se battent par entre eux pour les petites offenses, et leur façon de combat est, comme ici, celle des femmes, de se voler aux cheveux. Saisis par là, ils se luttent et secouent d'une terrible façon, et s'ils sont fort égaux, ils lutteront tout un jour, voire deux, sans se quitter, jusqu'à ce qu'on les sépare. Et de vrai, pour la force du corps et des bras, ils nous sont égaux, le prenant de pareil à pareil, et s'ils sont plus adroits à la lutte et plus agiles à courir, mais ils n'entendent point à l'escrime des poings. J'ai vu un de nos petits garçons faire fuir devant soi un sauvage plus grand que lui d'un pied quand, se mettant en posture de noble combattant, il fermait le pouce sur les doigts, lui disant « Approche !» Mais aussi, quand le sauvage pouvait le happer par le tronc du corps, il lui faisait crier merci. Revenant à mon propos, les petites offenses et querelles sont facilement apaisées par les sagamos et communs amis. Et certes, ils ne s'offensent guère qu'on sache. Je dis « qu'on sache » car nous n'avons rien vu, ainsi toujours un grand respect et amour entre eux. Ce qui nous donnait un grand crève-cœur lorsque nous tournions les yeux sur notre misère. Car, de voir une assemblée de Français, sans reproche, mépris, envie et noise de l'un à l'autre, c'est autant difficile que de voir la mer sans onde, ne fût dedans les cloîtres et couvents, où la grâce prédomine à la nature. Les grandes offenses, comme si quelqu'un avait tué un autre, s'il lui avait dérobé sa femme, etc., c'est à l'offensé de les venger de sa propre main ou, s'il est mort, c'est à ses plus proches parents, c'est qu'arrivant, personne ne s'en remue, ainsi tous demeurant contents sur ce mot. Abenquidwick. Il n'a pas commencé, il le lui a rendu. Quittes et bons amis. Que si le délinquant, repentant de sa faute, désire faire la paix, il est reçu d'ordinaire à satisfaction, moyennant présents et autres réparations convenables. Ils ne sont nullement ingrats entre eux, ils s'entredonnent tout. Nul n'oserait y conduire la prière d'un autre, ni manger sans lui faire part de ce qu'il a. Une fois que nous étions allés bien loin à la pêche, passèrent par là 5 ou 6 femmes ou filles bien chargées et lasses. Nos gens, par courtoisie, leur donnèrent de leur prise, ce qu'elles mirent cuire tout aussitôt dans un chaudron que nous leur prêtâmes. À peine le chaudron bouillait, que voici un bruit que d'autres sauvages étaient là qui venaient. Alors, nos pauvres femmes s'enfuirent vite dans les bois, à tout leur chaudron demi-cuit, car elles avaient bonne faim. La raison de la fuite était pour autant que si elles eussent été vues, il eût fallu, par loi de civilité, qu'elles eussent fait part aux survenants de leur viande, qui n'était point trop grande. L'on rit bien alors, et plus encore, quand elles, après avoir mangé, voyant les 10 sauvages venus auprès de notre feu, firent semblant de n'y avoir pas touché, et de passer tout ainsi, comme si elles nous eussent point vus auparavant. Elles dirent à nos gens, tout bas, où c'est qu'elles avaient laissé le chaudron, et eux, comme bons compagnons, connaissant le mystère, surent bien servir aux belles mines, et pour mieux aider au jeu, les pressaient de s'arrêter et goûter un peu de leur pêche. Mais elles ne voulurent rien faire, tant elles avaient hâte, disant « Coupouba, coupouba, grand merci, grand merci. » Nos gens répondirent « Or, allez de par Dieu, puisque vous avez si grande hâte. » Chapitre 6 De leur mariage et petit nombre de peuples. Au contraire de nous, ils font en leur mariage non que le père donne douaire à sa fille pour le loger avec quelqu'un, mais que le poursuivant fasse de bons et beaux présents au père à ce qu'il lui donne sa fille pour épouse. Les présents seront proportionnément à la qualité du père et beauté de la fille. Des chiens, des castors, des chaudrons et haches, etc. Mais la façon de courtiser est bien sauvage, car l'amoureux, dès qu'il se professe pour tel, n'oserait regarder la fille, ni lui parler, ni demeurer auprès d'elle, sinon par occasion, et lors il faut qu'il se commande de ne la point envisager, ni donner aucun signe de sa passion. Autrement, il serait la moquerie de tous, et sa favorite en rougirait. Après quelque temps, le père assemble la parenté pour, avec eux, délibérer de l'alliance. Si le recherchant est de bon âge, s'il est bon et dispos chasseur, sa race, son crédit, sa gaillardise. Et s'ils leur agréent, ils lui allongeront ou accourciront ou conditionneront le temps et la façon de sa poursuite, ainsi qu'ils aviseront, au bout duquel temps, pour les noces, il y aura solennel tabagie et festin, avec harangues, chants et danses. Selon la coutume du pays, ils peuvent avoir plusieurs femmes. Néanmoins, la plupart de ceux que j'ai vus n'en ont qu'une. Plusieurs des sagamos prétendent ne se pouvoir passer de cette pluralité, non pas pour cause de luxure, car cette nation n'est point fort incontinente, mais pour autres 2 raisons. L'une, afin de retenir leur autorité et puissance, ayant plusieurs enfants, car en cela gît la force des maisons, en multitude d'alliés et consanguins. La seconde raison est leur entretien et service, qui est grand et pénible, puisqu'ils ont grande famille et suite, et partant, requièrent nombre de serviteurs et ménagers. Or, n'ont-ils autres serviteurs, esclaves ou artisans, que les femmes? Les pauvrettes endurent toute la misère et fatigue de leur vie. Elles font et dressent les maisons ou cabanes, les fournissent de feu, de bois et d'eau, apprêtent les viandes, boucanent les chairs et autres provisions, c'est-à-dire les sèchent à la fumée pour les conserver, vont quérir la chasse où elle a été tuée, cousent et radoubent les canaux, accommodent et tendent les pots, les corroient et en font des habits et des souliers à toute la famille, vont à la pêche, tirent à l'aviron, enfin, subissent tout le travail, hors celui seulement de la grande chasse, outre le soin et la tant oppressante nourriture de leurs petits. Elles emmaillotent leurs enfants sur de petits ais, tels que sont ceux qui pendent aux épaules des crocheteurs de Paris, les ailes en étant ôtées. Ces ais pendent en une large courroie attachée à leur front, et ainsi chargés de leurs enfants, s'en vont à l'eau, au bois, à la pêche. Si l'enfant crie, elles se mettent à danser et chanter, berçant ainsi leur petit, lequel, cessant de pleurer, elles poursuivent leur besogne. Pour ces raisons, donc, aucun sauvage ne veut défendre leur polygamie, alléguant outre ce qu'ils viendraient à défaillance par extrême paucité, ignorant la bénédiction du mariage chrétien. Et partant, est digne de plus grande louange ce leur insigne même Bertou qui, quoiqu'il ait été le plus grand sagamo, le plus suivi et le plus redouté qu'il y ait eu depuis plusieurs siècles. Aussi n'a-t-il voulu avoir plus que d'une femme à la fois, même étant païen, jugeant par instinct naturel que cette pluralité était infâme et incommode à raison des riottes qui en sourdent toujours, tant entre les femmes qu'entre les enfants des divers lits. Or, les femmes, quoiqu'elles aient tant de peine, comme j'ai dit, si n'en sont-elles pas plus chéries? Les maris les battent comme plâtre et souvent pour bien légers sujets. Un jour, certains Français osa tancer quelques sauvages. À cette occasion, le sauvage lui répliqua en colère. « Et quoi? Mais as-tu que voir dans ma maison si je bats mon chien? » La comparaison était mauvaise, la réponse était aiguë. Peu de divorces arrivent entre eux et, comme je crois, peu d'adultères. Si la femme s'oubliait en cela, je ne pense pas qu'il y a là de moins que de la vie des deux adultérants. La faute des filles n'est point tant estimée, ni elles ne perdent point pour cela de trouver parti. C'est toujours honte néanmoins. Quant à l'extérieur, habits, port et façon, les femmes et filles sont fort pudiques et honteuses. Les hommes aussi ne sont point impudents et sont fort mal édifiés quand quelques folles Français osent se jouer avec leurs femmes. Certains écervelés s'étant une fois licenciés en cela, ils vinrent aviser notre capitaine qu'il réprima ces gens, l'avertissant que celui n'aurait pas beau jeu, qu'il le recommencerait, qu'on l'étendrait par terre. On dresse toujours une cabane à l'écart pour les femmes qui ont leur moi, car ils les estiment alors être contagieuses. Ils s'étonnent et se plaignent souvent de ce que dès que les Français entrent et ont commerce avec eux, ils se meurent fort et se dépeuplent. Car ils assurent qu'avant cette hantise et fréquentation, toute leur terre était fort populeuse et historie par ordre, côte par côte, qu'à mesure qu'ils ont commencé à trafiquer avec nous, ils ont plus été ravagés de maladies, ajoutant que la cause pourquoi les amours chicois se maintiennent dans leur nombrosité, c'est à leur avis parce qu'ils ne sont point nonchalants. Là-dessus, ils alambiquent souvent leur cerveau, et tantôt ils opinent que les Français les empoisonnent, ce qui est faux, tantôt qu'ils donnent du poison aux scélérats et pervers de leur nation pour s'en servir à l'exécution de leur malice. Cette postérieure conjoncture n'est pas sans exemple, car nous avons vu du régal et du sublime entre leurs mains desquels ils disaient avoir acheté de certains chirurgiens français afin de faire mourir tous ceux qui leur plairaient, et se vantaient d'avoir déjà expérimenté sur un captif lequel, disaient-ils, était mort un jour après la prise. Autres se plaignent qu'on leur déguise souvent et sophistique les marchandises et qu'on leur vend des pois, fèves, prunes, pain et autres choses gâtées, et que c'est cela qui leur corrompt le corps et dont s'engendrent les dysenteries et autres maladies qui ont coutume de les saisir en automne. Cette raison, de même, ne se propose pas sans production d'exemples dont ils ont été souvent sur le point de rompre avec nous et de nous faire la guerre. Certes, il y aurait bon moyen de pourvoir à ces meurtres exécrables par des remèdes convenables si l'on n'en pouvait trouver aucun. Néanmoins, la principale cause de toutes ces morts et maladies n'est pas ce qu'ils disent, mais c'est à leur honte que l'été, nos navires venus, ils ne cessent de plusieurs semaines s'engorger outre mesure de plusieurs viandes non accoutumées avec oisivité, durronnées et au vin ajoutées encore l'eau de vie, dont n'est pas de merveille si depuis l'automne suivant il faut qu'ils endurent des tranchées de ventre. Cette nation est fort peu soucieuse de l'avenir, ainsi que tous les autres Américains, qui jouissent du présent et ne sont poussés au travail que par la nécessité présente. Tandis qu'ils ont de quoi, ils font tabagie perpétuelle, chants, danses et harangues, et s'ils sont en troupe, n'attendez pas autre chose. il y a alors belle trêve par les bois. Parler de réserve, s'ils ne sont en guerre, sont propos de sédition. Ils auront fond l'hiver, leur direz-vous. Andriex, vous répondront. C'est tout un, nous l'endurons facilement. Nous passons les 7 ou 8 jours, voire les 10, aucune fois sans manger, si nous n'en mourrons point pour cela. Toutefois, s'ils sont à part, et où leurs femmes puissent être crues, car les femmes sont partout plus ménagères, ils feront aucune fois des magasins pour l'hiver, où ils se réserveront quelques chairs boucanées, quelques racines, du gland épluché en noyaux, quelques pois ou fèves, ou pruneaux de la troque, etc. La façon de ces magasins est telle. Ils mettent ces provisions dans des sacs, qu'ils enveloppent dans de grandes et amples écorces, lesquelles ils suspendent en l'air aux branches de 2 ou 3 arbres liés par ensemble, à ce que les rats, ni les autres bêtes, ni l'humidité de la terre ne les endommagent. Voilà leur magasin. Qui les gardera? Eux s'en allant, car s'ils demeuraient, leur magasin irait bientôt par terre. Ils s'en vont donc autre part jusqu'au temps de la famine. Tels sont les gardes qu'ils y mettent. Aussi, de vrai, cette nation n'est pas la renesse. Plût à Dieu que les chrétiens qui vont à eux ne donnassent en cela point de scandale. Mais aujourd'hui, si on soupçonne aucun sauvage d'avoir dérobé, aussitôt il vous mettra devant le nez cette belle défense. Nous ne sommes point larrons comme vous. Ilinen agneo asicuan guiro dequir. Revenant à la paucité de ce peuple, il y a encore des autres raisons, dit-il, celle-ci principalement, qu'en une vie tant inégale, si disetteuse et tant laborieuse, le naturel lui peut durer s'il est bien fort. Et le fort même y reçoit des accidents souvent et heures irrémédiables. Leurs femmes aussi, à cause du grand travail, ne sont pas si fécondes, car c'est le plus si elles enfantent de 2 ans en 2 ans. Aussi ne pourraient-elles nourrir leurs fruits si elles accouchaient plus souvent, vu même qu'elles allaitent leurs enfants jusqu'à 3 ans, si elles peuvent. Leur couche ne dure guère 2 heures. Souvent en chemin, elles se délivrent, et un peu après, reprendront leur travail comme devant. Je me suis enquis souvent combien grand pouvait être le nombre de ce peuple. J'ai trouvé par la relation des sauvages même que dans l'enclos de la grande rivière, dès les Terre-Neuve jusqu'à Chouacouet, on ne saurait trouver plus de 9 à 10 000 âmes. Regardez la carte, et je vous en donnerai le dénombrement. Tous les Souriquois, 3 000 ou 3 500. Les Étiminquois, jusqu'à Pentagouet, 2 500. Des Pentagouet jusqu'à Kinibiki, et de Kinibiki jusqu'à Chouacouet, 300. Les Montagnais, 1 000. Voilà environ 10 000 âmes, et je crois que c'est pour le plus. Les autres peuples ne nous sont pas connus. Avisez combien véritablement et emphatiquement a parlé le Saint-Esprit par la bouche d'Isaïe de ces pauvres sauvages dispersés sous la métaphore propre et convenable d'un grand verger ou parterre sauvagin et forestier. Il ne fait que fleurir encore. Sur le temps de les récoltes, dit-il, ils germent quand ils devraient être venus à maturité. Il le faut lors émonder et tailler. C'est pourquoi ces fruits sont délaissés aux oiseaux des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux jucheront sur lui tout l'été, et toutes les bêtes de la terre hiverneront sur lui. Car, certainement, ce pauvre peuple, comme un grand plan de sauvageons mal nés et de mauvaise venue, quand, par le laps et expérience des siècles, il devrait être venu à quelque perfection des arts, sciences et raisons, qu'il en devrait avoir produit fruits abondants en philosophie, police, mœurs et commodités de la vie, qu'il devrait être déjà disposé à la maturité du Saint-Évangile, pour être recueilli en la maison de Dieu, voilà, qu'on ne le voit sinon chétif et rare, donner la pâture des corbeaux, hiboux et coucous infernaux, et la curée maudite des renards, ours, sangliers et dragons spirituels. Ô Dieu de miséricorde, n'aurez-vous point pitié de ce désastre? Ne jetterez-vous point vos yeux de douceur sur ce pauvre désert? Bénin et pieux laboureur, faites que la prophétie qui suit se vérifie en nous en notre âge. En ce temps-là, un présent sera apporté au Seigneur des armées par le peuple rompu et déchiré, par le peuple terrible après qu'il n'y en a point d'autre, la nation attendante et méprisée, de qui les fleuves ont gâté la terre, au lieu où est invoqué le nom du Seigneur des armées à la montagne de Sion. Ainsi soit-il.